m'aide, rentrer dans le truc sincèrement. FD, activeur de Zermi, roule un Joe qu'on dit que ceux qui s'en sortent montent. Merci pour le trône, mais j'ai pas le temps de m'asseoir, man. Si la sueur manque, on peut pas faire ce qu'on a dit. J'arrive sérieux, on maîtrise déjà la comédie. J'fixe comme un doute au moment de tirer. J'goûte fric qui veut me faire pute juste avant de me tuer. Quant au mic shoot pour ma bombe de cause et mes dingues de couze, et ceux avant nous qui pensaient servir à quelque chose. J'fais comme j'dis avant que ce rap ne me foute dans le gaz. J'vois trop, mais j'me relève comme Rocky 7. Pour ceux qui entendent pas le compte à rebours, j'amplifie au mic pour qu'ils aient tous les reins qui sautent. Est-ce qu'il y a des bonhommes ici pour qu'on fasse juste comme on a dit? Carré comme on a dit, massif comme on a dit, semblable comme on a dit, fructif comme on a dit. Hey, est-ce qu'il y a des bonhommes ici pour qu'on fasse juste comme on a dit? Carré comme on a dit, massif comme on a dit, semblable comme on a dit, fructif comme on a dit. Hey, dans ce monde, rester faible devient suicidaire. Il lâche rien sans qu'il suce un dard. J'ai choisi mon camp comme la justice. Pardonnez ça, just nice. Rime supplice, flow souplesse, pousse Mike. Juste ton niveau, mais je reste sans importance comme un mort bosniaque. Pas grave, pousse Mike, quand même trop trip ici. Ici, on s'improvise cascadeur. Puisque la vie gaz-gaz, dur et faible. Donc je casse tout, pur et simple. Tiens, une purée de flingue. S'il est vrai que le savoir assassine ma couille, je fais tout à ma sauce. Harmonise la merde comme une tasse et une pine. Comme Dieu et ma peine, comme un Michael Phénomène. J'anime des hautes scènes pour le graineux style. On a brûlé les costumes, trop peu à l'aise. Comme un client qui costume, donc comme on a dit, je reste wicked sur tout ce que ça fera d'arac, moins de beau fils que dit les mêmes frères. En scred, dans ce bled, ravive la dead zone. Dans ce bise, artisan dans l'usine. Est-ce qu'il y a des bonhommes ici pour qu'on fasse juste comme on a dit? Carré comme on a dit, massif comme on a dit, semblable comme on a dit, fructif comme on a dit. Hey, est-ce qu'il y a des bonhommes ici pour qu'on fasse juste comme on a dit? Carré comme on a dit, massif comme on a dit, semblable comme on a dit, fructif comme on a dit. Hey, longtemps qu'on en parle, longtemps qu'on en perd l'argent. Toujours les noirs parlent de maille, personne s'en tire largement. Donc autant faire ce qu'on a dit maintenant. Pourquoi baver sur l'autre salement? Lâchement, lâche, prends le temps. Le ton tout quoi, pour faire ma place dans le truc, ça fait un putain de boucan. Ça fait un moment que je gaze, les murs en marche, je les rase. Qu'aucun smoke me demande toujours c'est quand que je l'arrose. Je leur ai promis ma réussite, jusqu'à fatiguer leur gosier. C'est où j'ai misé sur ce rap compliqué et grossier. S'il y a autant de négros solides que de négros bolides dans la métropolis, on se rejoint tous au sommet, au summum de ce qu'on sait faire. Ici tout le monde a dit qu'il paierait la baraque à sa mère. Évidemment y'a les paroles d'hommes, les paroles en l'air. Comme on parle d'argent, y'a ceux aussi qui veulent la faire à l'envers. Est-ce qu'il y a des bonhommes ici pour qu'on fasse juste comme on a dit? Carré comme on a dit, massif comme on a dit, semblable comme on a dit, fructif comme on a dit. Hey, est-ce qu'il y a des bonhommes ici pour qu'on fasse juste comme on a dit? Carré comme on a dit, massif comme on a dit, semblable comme on a dit, fructif comme on a dit. Hey, y'a des bonhommes ici qui répondent présent, présent, présent, présent, présent. S'il y a des bonhommes ici qui répondent présent, présent, présent, présent, présent. S'il y a des bonhommes ici qui répondent présent, présent, présent, présent, présent. S'il y a des bonhommes ici qui répondent présent, présent, présent, présent, présent. S'il y a des bonhommes ici qui répondent présent, présent, présent, présent, présent. S'il y a des bonhommes ici qui répondent présent.